Il se rend d'abord chez son ami, le vieux pharmacien polonais. « Mais vous n'allez pas me trahir à votre tour, vous !» Pierre se sentait tellement attendri qu'il avait envie de l'embrasser. « Mais je ne vous trahis pas. Je n'ai point trouvé à me caser ici. Et je pars comme médecin sur un paquebot transatlantique. Oh, monsieur Pierre, vous m'aviez si bien promis de m'aider à vivre. Que voulez-vous? Il faut que je vive moi-même. Je n'ai pas un sou de fortune. » « À mon âge, c'est fini, c'est mal. Vous abandonnez un pauvre vieux qui est venu pour vous suivre, c'est mal. Vous êtes injuste. Pour se décider à ce que j'ai fait, il faut être puissant motif, et vous devriez le comprendre. Au revoir. J'espère que je vous retrouverai plus raisonnable. » Et il sortit. « Allons, pensait-il, personne n'aura pour moi un regret sincère. » Sa pensée retrouva au milieu de tous les visages, défilant dans son souvenir, celui de la fille de brasserie qui lui avait fait soupçonner sa mère. La brasserie était par hasard remplie de monde et remplie aussi de fumée. « Ah, c'est vous! Vous allez bien! Mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est un boc que vous voulez ?»« Oui, un boc. » Quand elle l'apporta, il reprit. « Je viens te faire mes adieux. Je pars. » Elle répondit avec indifférence. « Ah, bah, où allez-vous ? En Amérique. On dit que c'est un beau pays. » Et rien de plus. Vraiment, il fallait être bien mal avisé pour lui parler ce jour-là.